Ce lundi, en cette première émission printanière d'Assemblage requis, on retrouve des vieilles pièces perdues au fond des boulamites avec notre correspondant drummondvillois Alexandre Delage. Aussi, il est bien roulé comme un rouleau de printemps, Maxime le mieux la ramé. Est-ce qu'on peut animer en jupe? Comme d'habitude, Mathieu. Lundi, 15h.